Néochrome, Kalachnikov, Baraka Music, Kalash Lafro, Shir, Gecko, Farachnikov. On s'organise. On a la rime qui parle mal, sortie des quartiers qui défient les règles. Tous marqués par les traits de la vie réelle. Nous on se méfie des rêves, pour mailler. Nique le sang en force, pas là pour vous voyer. Y'a que du lourd, des esprits faits enfants, ne cherche pas à soudoyer. On est à broussailler, la hachette pour débroussailler. Le HS pour les foudroyer, crois pas que ça paye beaucoup de loyer. Mais nique le bise, on s'organise, normal. On vient du tiers-monde, là-bas ils vivent en crise, normal. Tu trouves pas de para dans les barrages. Ça rap éclate les barrages, arrache les paroles de la rage. Chir, l'afro et barrage, c'est les trois aigles de Carthage. Les fardasses, les carcasses, les cars qui cherchent la caille. Sans oublier les règles de partage, une liasse au fond du cartable. C'est la jeunesse des temps modernes, du poison dans nos verres. Nous on s'efforce de vivre sans modèle. Nika. Le monde s'écroule, y'a pas de néo ni de Lara Croft. On tient le micro par la croche, okay. L'équipe c'est néo par la croche. La volo, la valo, c'est un caravane au drive-by. On t'envoie une shit, Bruno, ciao, bye bye. Chir, Gecko, Farage, Kalash, Lafro, Attaï. Ici, tcha-tcha, ton marteau, attaï, oh, bye bye. Volo, Narvalo, c'est un caravane au drive by. On t'envoie une shit, Bruno, ciao, bye bye. Chir, Gecko, Farage, Kalash, Lafro, Attaï. Ici, tcha-tcha, ton marteau, attaï, oh, bye bye. Trouvé au coin d'une Huma comme un schlass qui bat la flapo. Faites la place, c'est Chir, Farage, Nikov, Kalash, Lafro. Lâche ta crotte de cette lane et ta sac, cache ta porte. Petit frère, te contente pas. Vouloir ma rave la propre, chute ce qu'emprunte des voies souterraines. Là où la poucave se fout tes rêves, la monarchie sous pérenne. J'suis une étoile de Sahel. Me demander de suivre tes lois, c'est demander aux Palestiniens de mettre les voiles d'Israël. J'viens de là où chaque pasto se mérite. J'ai pas attendu l'Amérique pour poser de manière stratosphérique. Le bateau dérive, c'est du sang que mes rolotos vomissent. J'veux que tous les fachos crament jusqu'au dernier loco de police. Au bord de la crise, on vise tous leur massif. Soit tu t'organises, soit tu passes pour un porte-valise. De néochrome à Baraka Music. Si tu supportes les halls, sache qu'on t'épaule, Barakallah. Avec Volo, Narvalo, c'est un caravane au drive-by. On t'envoie une shit, Bruno, ciao, bye-bye. Chir, Gecko, Farage, Kalash, Lafro, Attaï. Ici, tcha-tcha, ton marteau, attaï, oh, bye-bye. Avec Volo, Narvalo, c'est un caravane au drive-by. On t'envoie une shit, Bruno, ciao, bye-bye. Chir, Gecko, Farage, Kalash, Lafro, Attaï. Ici, tcha-tcha, ton marteau, attaï, oh, bye-bye. J'fais plus de bruit que l'avenue de Kadhafi. 100% anarchie. Tu me verras jamais poser à Darty. Inch'Allah, on arrivera à bâtir. Personne s'aplatit pour être le cauchemar de Rachida Tati. Baisse ta vite, secoue si on sèche l'arbitre. Y'a de la rissa à chaque titre. Pensez pour les terres d'Afrique. Obligé d'être slarvi, j'attends pas que tu me lèches la bite. J'suis pas une tête d'affiche, juste une bête d'artiste. Organisé, organisé, des lyrics immortalisés. Des rafales de sec sec. J'vois déjà les portes balisées, c'est Farage du 7-7. 2008, connexion marseillaise. Hala sur le beat, Marianne s'est fait attaquer par les hyènes. Rap de kamikaze, de quartier c'est la barricade. Embarqué dans une sale histoire, ça nique sa vie mais ça ricane. Sortez les chéricanes, j'crois que c'est leur tarag. On s'organise, on représente pour ceux qui traînent le barrage. On s'organise, on part en guerre militaire dans la gamberge. Qui s'y retrouve et qui s'y perd, courageux ou suicidaire. On s'organise et là tu stresses, tous attirés par l'espèce. Organisé, organisé, organisé dans l'extrême. On s'organise, on part en guerre militaire dans la gamberge. Qui s'y retrouve et qui s'y perd, courageux ou suicidaire. On s'organise et là tu stresses, tous attirés par l'espèce. Organisé, organisé, organisé, organisé. Avant le volo, Narvalo, c'est un caravane au drive-by. On t'envoie une shit, Bruno, ciao, bye-bye. Chir, Gecko, Farage, Kalash, Lafro, Attaï. Ici, tcha-tcha, ton marteau, attaï, oh, bye-bye. Avant le volo, Narvalo, c'est un caravane au drive-by. On t'envoie une shit, Bruno, ciao, bye-bye. Chir, Gecko, Farage, Kalash, Lafro, Attaï. Ici, tcha-tcha, ton marteau, attaï, oh, bye-bye. Chevalier, c'est les chaînes Gecko. Sur le projet de ma couillasse de plomb, Farage Nico. Stenedinex Néochrome Gangs. On s'organise à vol volo. On fait tout à vol volo. On pèse au rap à vol volo. Chrome Néo. Blair, blair, blair.